21 graus, Viana do Castelo 20, Penhas Douradas, a máxima hoje de 18 graus. Votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia la familia, la planeta. J'espère que vous allez bien. Il est 7h du mat. Heureux de vous retrouver. Francky Réveil, 96.2 FM. C'est la fréquence qu'il vous faut. Aujourd'hui, un ciel plutôt couvert, nuageux, avec des risques d'orage cet après-midi. Hier, c'est tombé grave sur Orléans, des inondations. Les pompiers ont été appelés plus de 100 fois hier, sans intervention sur Orléans et l'agglomération. En tout cas, aujourd'hui, ça devrait se calmer. Juste cet après-midi, quelques petits orages qui devraient arriver. Les températures aujourd'hui, 15 degrés. On devrait dépasser les 24 degrés avec quelques gouttes de pluie et des nuages. Et ça va perdurer toute la semaine jusqu'à au moins jeudi. Le beau temps devrait revenir à son maximum. Ça sera vendredi, samedi, dimanche et lundi prochain. Voilà des bonnes nouvelles du son qui arrive avec Alvaro Soler et Sophia. Belle journée et bon réveil. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Pour vous réveiller le matin, Alvaro Soler et Sophia, belle journée, bon réveil sous le Grand Orléans avec du soleil tout à l'heure en fin de matinée. Quelques nuages quand même, mais des risques d'orages tout au long de cette journée jusqu'à 24 degrés aujourd'hui. Amine, et je voulais. Ne me demande pas pourquoi notre

matin pour vous réveiller comme ça en pleine forme avec Bandera Locula di Amor. Belle journée, bon réveil. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio et puis à la chapelle Saint-Mémin, c'était ce samedi, un petit tournoi avec Roy Barros, l'ancien international. J'y étais justement, on a passé un super moment avec lui, écoutez, au micro de Francky, Roy Barros. Bonjour, Roy Barros. Bonjour. Comment il va aujourd'hui et il devient quoi, Roy Barros? É por causa do torneio que tenho amigos que me ligaram e que faz um prazer realmente ao fim de tantos anos voltar a ver este pessoal da França que tanto me apoiou quando eu jogava no Mónaco, que eu jogava em Marselha. Por isso é sempre agradável fazer estes jogos com estas pessoas que realmente têm carinho, tanto português como também franceses. José vai traduzir? Alors, il a dit tout simplement qu'il était content de retrouver ce pays qui est la France, qu'il a tellement appuyé et qu'il l'a apprécié en tant que joueur et qu'il a toujours passé des moments en France et qu'il trouve toujours un énorme plaisir à retrouver les terrains et un peu cette communauté française et portugaise qu'il a autant appuyé dans sa carrière. Si aujourd'hui il y avait un bon moment de ta carrière, un meilleur moment, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais un des meilleurs, ça serait quoi? Em França? Em França ou em Portugal? Eu penso que foi aquele jogo com o Supertaça que nós ganhamos com o Porto 1-0 contra o Ajax, em que pronto, era até o dia que eu fazia anos e foi o dia que eu fiz o gol, por isso nós ganhamos uma Supertaça e foi o momento para isso eu mais alto da minha carreira. C'est sa victoire avec Porto pour la Supertaça contre l'Ajax. Et puis pour couronner le tout, c'était là où il faisait son anniversaire. Et puis bon, ils ont gagné ce match qui pour lui a été un de ses meilleurs moments de sa carrière. Voilà, en tant que joueur, surtout amener ce titre à Porto. Aujourd'hui, tu fais quoi, Roy Barros? Travaille no Futebol Porto. Eu que terminei a minha carreira. E quando acabei fiquei ligado sempre ao clube e neste momento passei por várias situações como adjuntos, como fui treinador da equipa B e neste momento sou na área do scouting, que é a observação na área profissional para o Futebol do Porto. Alors il a terminé sa carrière à Porto en tant qu'entraîneur adjoint voilà, il est resté au sein du club de Porto et puis du coup là il est en tant qu'observateur et recrutement de joueurs pour le staff du FC Porto. Merci Roy Barros pour Radio Arc-en-Ciel Orléans. Okay. Et voilà, c'était en direct, c'était samedi à la chapelle Saint-Mémin. On a passé vraiment un superbe moment avec monsieur Roy Barros. Bayern per l'amore. La Repubblica. Aprieta DJ, sube la bocina pa' que ella lo baile conmigo en la pista. after 9h pendant tout le monde danse la baila avec Baila pour El Mundo, Juan Magan, Pitbull, El Cata sur l'arc-en-ciel. Belle journée, bon avec 96.2 FM. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et je serai fier de l'accueillir tout à l'heure vers 8h15, 8h30, un athlète en or, un champion en or, Florent Cocogno sera notre invité ce matin, champion d'aviron, 6 médailles d'or. Ça s'est passé le 4 au 10 juin à Vichy. Eh ouais, ça passe, hein. Et ben, il va venir nous en parler tout à l'heure, ce champion en or, cet athlète en or, je dirais, ce super personnage, Florent Cocogno, sera notre invité tout à l'heure vers 8h15, 8h30. Heureux de le retrouver ce matin sur Radio Arc-en-Ciel avec du son caliente. Et avant tout là, cuando volverás. Acompáñenme. Let the music play. Quel artiste, Barry White, Let the Music Play. Belle journée aujourd'hui, pas sous le soleil, mais sous les nuages, sous les orages aussi tout à l'heure. Justement, hier c'est tombé Orléans, des gros orages se sont battus sur la fête foraine notamment, quasiment inondé. Hein. Même vous, peut-être, vous avez été inondé, vous avez des problèmes, et bien appelez-nous 02 38 43 48 00. Côté ciel, et bien on en parle. La météo. Et aujourd'hui, le ciel est assez nuageux, quelques rayons de soleil, mais très timides. Et des températures plutôt pas mal ce matin, 15 à 16 degrés jusqu'à 24 voire 25 degrés sur Orléans, Pithiviers, Olivet. Des risques d'orage prévus en ce début d'après-midi. Une fille que j'adore, elle s'appelle Sarah H. Je serai là. Elle fait plein de covers et on l'adore. On retrouve là sur YouTube notamment. Sarah H sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis tombes et te relèves. Sache que je serai tout. Ah, vous adorez, déjà, j'en suis sûr, Sarah, je serai là. Je vous invite à aller voir sa scène, avec un cheveu sur la langue, YouTube. Vous allez forcément adorer. Belle journée. Bon réveil. Francky dans la radio, je vous accompagne jusqu'à 9h. Et ne ratez pas notre invité, la star, tout à l'heure sera là. Florent Coquenio sera dans nos studios, athlète en or. Il a fait les Global Games, 6 médailles d'or en aviron, vous allez voir, c'est énorme. Il sera notre invité tout à l'heure en exclusivité. Já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu já tentei explicar-te de todas as maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Consequência, eu já disse. Mas ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja melhor pra mim. Consequência, eu já disse. Vous avez décidé de m'écouter ce matin, ça me fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur Orléans, Pithiviers, La Chapelle à nous écouter. Merci Orléans. 7h35 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, le meilleur des souvenirs. Goldman, Jones, Frederick's dans les années 90. 1, 2, 3, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. J'en attendais rien, moi, à Springfield, Massachusetts. La vie coulait comme de l'eau. Matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock and roll. Moi, ça me rendait fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3 que tu m'aimais, 4, 5, 6, à Nice, 7, 8, 9, 15, get enough, 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby, 4, 5, 6, a kiss, 7, 8, 9, you're on my mind, 10, 11, 12, tell me when. Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour de pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de parler. I'm les bons souvenirs. Frédéric Goldman et Jones dans les années 90. Un petit clin d'œil à Frédéric qui nous a quittés malheureusement il y a bientôt 10 ans. Ça passe à une vitesse. Redette avec vous, j'espère que vous n'êtes pas encore dans la chambre. Bah non, mais il est l'heure d'aller travailler soit hein, ou pas. Voici Mekiyam, un Mekiyama. Bon réveil et belle journée. Porque quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando encore 7h48, il est en direct sur la France. Belle journée, bon réveil. On écoutera tout à l'heure l'interview de Louis Barros, l'ancien international qui était ce week-end à la Chapelle Saint-Mémin. Merci José, Bernard. Et ouais, merci la famille. Des grands footballeurs, hein. On les a vus sur le terrain. C'est pour qu'ils dans la radio. Pas d'amis comme toi. Bah peut-être vous, Stéphane Echelon. Silence que tu passes devant moi, je regarde tes champs, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas l'ami comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Ah. 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Mi pena, ya te falta. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. verdadera historia, verdadera historia, ubica la historia. Oh, bien, oh, bien, oh, bien, yo. En la cena cabo verde, no estera, tera verde. Me beba y angola, si me increpa bambora. La lua negrino era fácil todo día. Cyril, sata faceva guerra. Explosión, brebababa, brebababa. Los temparinos baipala. Mucho circo era pulis. Ambulancia con pulis. Enfermero con milicia. Guerra, guerra, tutta gang cremata. Esperanza urbana Francia. No deja de ir para atrás, los famil mata lembranza. Da palà e capo di picca vietato mi senza pensare ma scordi di ta fico mi di notte tutto noto tutto dia pa mi so allegria tutto noto tutto dia pa esso nostalgia che non di kinga come nagna fomi e da buon educazion così già sta omi merci merci merci merci obrigado obrigado obrigado obrigado muchas gracias ti amo mamma. J'adore cette mélodie comme ça, Elisio, c'était bon ça. Bah oui. Obrigado, Bandi à la planète. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé, La Chapelle, et ben je vous souhaite une très très belle journée avec le soleil qui va faire un petit peu son apparition, des nuages aussi, des orages malheureusement aujourd'hui aussi, des températures plutôt pas mal, 15-16 degrés ce matin. On devrait atteindre les 24 degrés avec, je vous le disais dans l'après-midi, des risques d'orages. Et il y a des inondations énormes hein, sur Orléans, une tempête qui a soufflé à plus de 100 km/h. Jenna, il se donne ça tout l'été. Ça, c'est pour les souvenirs. Et c'est sûr, à l'arc-en-ciel. Belle journée. Bon réveil. c'est la folie. On va danser, danser toute la nuit. La vie est si belle, tous ces filles si jolies. Trouve-moi un bon choix, so sexy. Un, deux, trois, quatre. Lelelele, pasa lelelele. Anda a cantar conmigo, anda a bailar. On va danser, on va chanter tout l'été. Ça fait du bien de retrouver Janice Dansa tout l'été. Le meilleur des souvenirs sur l'arc-en-ciel. 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Et puis un athlète en or, un super personnage. Et ouais, 6 médailles d'or. Il sera notre invité tout à l'heure, Florent Coquenio, en direct sur l'arc-en-ciel. Et ouais, vous allez voir ce personnage. On va en parler avec lui tout à l'heure de cette belle carrière à 21 ans. Ça s'est passé du 4 au 10 juin, c'était à Vichy en aviron. Et un super monsieur que je ne connais pas encore, que je vais découvrir tout à l'heure, Florent Coquenio, sera notre invité après 8h, 8h15, 8h30 en direct ce matin. Voici le son des vacances qu'il vous faut, qu'il vous fallait dans les années 90, avec la Madone et Holiday. Belle journée et bon réveil. Le meilleur des vacances, justement, c'est bientôt les vacances d'été. Et puis aujourd'hui, c'est l'oral du bac. Ah ouais, vous avez révisé? Bah oui, s'exprimer comme ça face à un inspecteur, bah ça, c'est plutôt du bien. En tout cas, bon courage pour ceux qui passent l'oral du bac aujourd'hui. Bah, c'est Calo, un jour, on me met dans le roi. Et c'est parce qu'ils étaient là un jour au mauvais endroit, qu'ailleurs ici ou là-bas, pour nos frères plus jamais ça. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Bah, c'est toujours là les mecs, hein. Jimmy, Ayaman, Ouha, belle journée, bon réveil avec Kenji qui fait une belle reprise de la Gitane des années 80 de Félix Gray. Voici Kenji Girac et la Gitane. Je ne sais même pas reprise de Kenji Girac à la Gitane. À l'époque, c'était Félix Gray qui chantait ça dans les 80. Bon réveil. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Francky dans la radio, et ne loupez pas la 30e édition des Santos Populaires. Alors, ça sera le 1er et 2 juillet prochain. C'est au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. La grande fête de la radio, on sera là. Moi, je serai là. Puis toute la famille sera là, tous les animateurs. On va bien manger, on va bien boire avec modération et puis faire la fête aussi avec plein de musique, plein d'artistes sur scène. On compte sur vous. Je vous invite à vous connecter sur radioarc-en-ciel.fr et aller voir le planning chargé, très chargé de ces deux jours en plein air, le 1er et le 2 juillet prochain, les 30 ans, 30e festival. C'est énorme quand même, hein. Avec Radio Arc-en-Ciel, ça va être du très très lourd. Donc à ne pas louper le 1er et 2 juillet prochain, c'est au parc de Lignerolles. Vous connaissez ça par cœur, hein, Lignerolles. On a fait des soirées là, on a fait des fêtes, hein, ensemble. Ben ouais, chichi, chouchou, chocolat. Pour vous, ce matin, l'artiste avec Awa Imani. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici. On est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang bang bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. Moi c'est thé vert à la menthe le matin, ça je kiffe. Et vous, chocolat, thé, ta café. 0238 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre ce matin. Et puis j'adore ça, écoutez, Louisy et Amory, c'est sur la Franciel et on adore. 5 à 7. Tout est cassé dans mon corps, j'ai mal à m'en brûler la tête. danser jusqu'à l'aurore. J'ai encore trop fait la fête. Je veux baisser tous les stores, ramasser mon cerveau en miettes. Mais je me joue encore des sorts. Je veux que tout ça s'arrête. Toujours le même manège dans ma tête. Je me fais du mal et je regrette. Puis je retourne dans la fête. Toujours les mêmes démons dans mes yeux, cachés, roses, coupés en deux. Puis je replonge dans le feu. J'ai perdu plus d'un ressort dans la drogue et sa tempête. Le visage à demi mort, je supplie encore la fête. Si la nuit t'a jeté dehors, rendez-vous de 5 à 7 en after dans Paris Nord. J'y jouerai mon dernier set. Toujours le même manège dans ma tête. Je me fais du mal et je regrette. Puis je retourne dans la fête. Toujours les mêmes démons dans mes yeux, cachés, roses, coupés en deux. Puis je replonge dans le feu. Du mal et je regrette, puis je retourne dans la fête. Toujours les mêmes démons dans mes yeux, cachés, roses, coupés en deux. Puis je replonge dans le feu. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Cause I'm not thinking straight. 8h-9h, c'est Frankie dans la radio, 8h23, on est en direct, Love Me Like You Do, allez, Golding, belle journée, bon réveil si vous allez au taf ce matin, eh bien, peut-être sous les orages tout à l'heure, en tout cas le soleil qui va faire son apparition sur Orléans, Pithiviers ou Saint-Jean-de-Bray, la météo qui arrive. La météo. Et la météo pour aujourd'hui, le ciel est encore nuageux, le soleil fait son apparition avec des orages qui sont prévus en début d'après-midi. Les températures 15 degrés au lever du jour, on devrait dépasser les 24 degrés. Un ciel assez nuageux avec quelques rayons de soleil, assez chargé en pluie aussi. La pluie qui devrait faire son apparition à 14-15 heures avec des orages. D'ailleurs des orages hier qui ont inondé Orléans, hein. Plus de 100 interventions des pompiers d'Orléans. Hier soir c'était énorme, hein, avec des tempêtes carrément, le vent qui a soufflé à plus de 100 km/h. Notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes, Florent Cocogno, qui est dans les studios de la radio, et ça me fait vraiment plaisir de le retrouver, on va l'avoir en direct, il a amené la médaille, il a tout, franchement, 21 ans, 6 médailles d'or, on va en parler avec lui, il est accompagné de sa maman, et franchement, je suis vraiment fier de le recevoir ce matin sur Radio Arc-en-Ciel en direct. Lucenzo qui arrive, Emigrante del Mundo, du Portugal, Bandi à la planète, et la famille. Ouais, ouais. Inmigrante, c'est Lucenzo. Inmigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Inmigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Inmigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Inmigrante del mundo, Lucenzo représente. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Moi j'ai compris ce qu'il me faut, c'est immigranté. Défends tes origines avec une marque de qualité. Lucenzo MC bilingue comme des millions. Balance des phrases et mon phrasé te touche dans le million. On est tous d'accord mon frère, voilà une bombe de marque. Une occasion de représenter donc Lucenzo débarque. Affirme-toi où que tu sois, n'oublie pas tes racines. Latino forever, fier de ses origines. Immigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo, Lucenzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, lusitano. Mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien n'a pas. Mais où me vis, je viens représenter. Pour les latinos, pour la marque immigrante. Immigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo, Lucenzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Immigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo, amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo, Lucenzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Immigrante del mundo, somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Immigrante del mundo, somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Immigrante del mundo, somos inmigrantes. Representa el país de Immigrante del mundo, somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Retiens le message. C'est Lucenzo. Pour immigrante. Emigrante del mundo. Eh, ça fait du bien de vous retrouver ce matin après un bon week-end, hein, sous les orages hier malheureusement. Hein. Pour ceux qui ont été à la fête foraine, c'était la dernière hier. Bah inondation, hein. Ah ouais carrément, hein. J'ai vu des gens qui se mettaient sous les autodampeuses, hein, qui flottaient. Hein. Et puis mon invité d'honneur. Et je suis vraiment fier de le recevoir ce matin. C'est un peu grâce à Alex Vanmer, mon ami, que j'ai découvert Florent. Je salue au passage Alex Vanmer qui doit nous écouter, j'en suis sûr, dans son gros 4x4. Florent est notre invité dans 3 minutes 55 exactement, c'est ce que me dit l'écran. Voici Goldman. Se font surprendre. Radio Arc-en-Ciel 96 de FM à Orléans. Merci de nous rejoindre tous les matins. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Et puis là, ça me fait plaisir. Un invité d'honneur. Et quel invité? Il arrive tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel. Même deux invités. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Je vais l'accueillir, comment dire, j'avais envie de mettre la Marseillaise, j'arrive pas à le télécharger. Florent Cocognot, 6 médailles d'or. Bonjour Florent. Bonjour Francky. Ça va? Ça va et toi? Eh, je suis un peu impressionné ce matin face à moi, un champion du monde d'aviron qui est là. Je suis un peu ému comme mon première interview radio. Bah, c'est un honneur pour moi d'être là aussi, parce que c'est seulement la deuxième fois dans ma carrière sportive que je suis interviewé à la radio, donc je suis content également. Et ben justement, en parlant de radio, un grand homme de la radio, monsieur Alex Van Meer, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Alex. Bonjour Francky, bonjour Florent. Salut Alex. Et, la maman, qui est pas loin. Et puis la maman aussi qui veut pas parler, mais qui est avec nous Alex. Comment il va Alex? Elle va pleurer. Oh non. Je vais bien, je fais mon sport parce que je voulais lancer un défi à Florent sur la prochaine compétition. Donc je m'entraîne, ça va être difficile parce qu'il est en pleine forme. Ah oui, il est en pleine forme. 6 médailles d'or, il peut être en pleine forme. Tu voulais lui lancer un défi ce matin, Alex? Oui, je vais lui lancer un défi dans 2 ans. Quand je m'entraîner. Eh ben, tu vas peut-être pouvoir rencontrer Alex Wagner dans 2 ans, en aviron peut-être. Alex, ouais. Comment il se porte, monsieur Wagner? Ben, il est en forme, il fait son sport. J'ai mis un post pour Florent. Ouais, on a vu. Ça me touche. J'ai dit mille bravo mon Flo. Je te félicite pour tes performances. Tu es un exemple pour tous les autistes, car tu transformes ton handicap en une force incroyable. Je pense que tu as plus, en plus de ton intelligence importante, une énergie intérieure qui te permet de remporter tous les défis. Ton nom, Florent à contre-courant, correspond parfaitement à toi qui rame hard pour te remettre à l'endroit. Il est un peu comme moi, il n'est pas toujours à l'endroit, donc. Ah. On n'a pas osé le dire, Alex, quand même. On ne se permet pas le matin. Moi, je le comprends et je le soutiens avec le cœur. Et ouais. Je pense que j'ai dit à sa maman, m'appelle plus, il gagne toujours. Tu m'appelleras quand il aura perdu. Ouais. Et ça se trouve, il ne t'appellera jamais, alors. Ben, ça se trouve, il ne m'appellera jamais. Ouais. Non, je crois que c'est un bon exemple pour la société. Ouais. Pour le sport aussi, en général. Son handicap pour le sport. Grâce au sport, il évolue et puis il a un objectif. Et il y a combien d'enfants qui sont en difficulté à rester chez eux, à rien faire. Ouais. Et Florent, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est plus intelligent que les autres, un peu hyperactif. Ouais. Mais c'est une leçon. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie que je veux pérenniser au sein de mon fonds de dotation. J'aime mon enfant différent. Ouais. Si on entend la main, ils nous la prennent et ils sont à fond. Florent, t'es tout ému là, tout ouïe, sur ces belles paroles d'Alex. Bah oui, parce que Alex, ça fait depuis quand même quelques années, depuis quand même pas mal d'années que je le connais. Ouais. Et puis on a traversé des moments durs ensemble. Et puis Alex, il m'émue toujours. Ouais, c'est vrai. Il émue beaucoup de gens, je trouve. Mais Alex, on va te laisser finir ton sport. Je continue, mais c'est bon. Continue ton sport, puis nous, on va faire ce bel interview avec Florent en direct ce matin sur le 96 de FM. Merci, Alex. Écoute. Et puis, go on, Florent. Ok, bisous à vous. Bisous, Alex. Merci, Alex. Salut. Bon sport à toi. Salut, Alex. Florent, ému ce matin d'avoir eu Alex Wagner déjà au téléphone. C'était un moment. Alors moi, je l'avais déjà appelé tout à l'heure. C'était un moment qui m'a dit appelle Alex. Super bonhomme, quand même. Ah, bah, Alex, c'est le sang. C'est le sang, ouais. Alors, Florent, c'était du 4 juin au 17 juin, au 10 juin, pardon, à Vichy. Ça s'est passé sur cette belle rivière. 6 médailles d'or, c'est impressionnant quand même pour un jeune de ton âge, 21 ans si je me trompe pas. Oui. Comment aujourd'hui un enfant comme toi arrive à rafler 6 médailles d'or? C'est quoi? C'est le mental, c'est la force. Qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de gagner, cette rage d'aller chercher ces 6 médailles? Bah, disons que pour moi, c'est un peu une revanche, ce que j'ai subi pendant ma jeunesse. Ouais. Parce que j'habite au bord du Loiret. Ouais, on est bien au bord du Loiret. Hein. Voilà, j'habitais au bord du Loiret, je voyais les bateaux passer au bord de chez moi, et puis dès que j'ai eu l'âge, j'ai dit à ma mère, je veux faire de l'avion. Et ta maman était d'accord? Bah, avant, j'étais trop petit en âge et trop petit en taille, donc ouais. J'ai dû attendre de grandir un peu, et puis Dès minime 1, je me suis inscrit et puis c'est parti. C'est parti, c'est parti. T'as fait ça jusqu'à maintenant, 21 ans. C'est ça. Ouais. Cette rage, tu l'as toujours? Ah, je l'ai toujours. Tu l'as? Je l'ai toujours. Et que ça soit sur la machine ou que ça soit sur l'eau, pour moi, ce qui compte, c'est même pas gagner. C'est juste. Déjà limiter mes chances de perdre. Ouais. Mais déjà, c'est partir le plus loin possible. On voit le temps que ça tient. C'était quoi les émotions quand un athlète comme toi en or à 21 ans rafle 6 médailles? Waouh, c'est impressionnant. Ça a été quoi tes premières pensées? Elles allaient pour qui? Bah déjà, les Global Games, c'est un équivalent des Jeux Olympiques pour le sport adapté. Ouais. Mmh. Donc déjà, pour moi, mon objectif, c'était déjà de faire une finale A, c'est-à-dire être dans les 6 meilleurs. Ouais. Sauf que dès ma première course, je pars. Je suis en bord à bord avec l'Italie et un autre Français. Un petit coup de pagaie et c'est fini. Voilà. Et puis au bout de 300 mètres de course, je vois mon bateau qui commence à avancer plus vite, encore plus vite. Voilà. Je vois que je commence à avoir 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres d'avance, ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, j'entends le bip de fin de course. Et puis je me dis non, j'ai pas fait ça, j'ai pas gagné. Je me suis dit non, je vais pas faire ça deux fois. Et deux fois. Trois fois. Et quatre fois, et cinq, et six fois. T'imagines quand tu rafles six médailles d'or, maman, la famille sont émues, je suppose. Maman, elle est avec nous, elle veut pas trop parler, mais elle est émue quand même. Attends, on va lui ouvrir un micro. Maman, bonjour. Oui, bonjour, Francky. Tu peux mettre le micro devant la bouche? Voilà, comme ça, ça sera mieux. Émue, maman? Maman, elle a pleuré pendant toute la semaine. Toute la semaine, une semaine à pleurer. C'est pour ça qu'il a plu beaucoup, il y a les inondations là. C'est ça. Elle est toujours émue ce matin à la radio. Toujours. Surtout après le message d'Alex. Merci, ouais. Alex. Mais on le remercie, mon super Alex Wagner. On va parler du syndrome duquel tu es atteint, si tu veux bien. Bien sûr. C'est quel syndrome? C'est le syndrome d'Asperger. Ouais. Donc, d'où son nom, qui a été découvert par Rodolphe Asperger. D'accord. Donc, c'est un handicap qui est quand même très courant dans le monde. Mmh. Voilà, ça touche presque 700 millions de personnes dans le monde. Ah oui, quand même. On n'est pas trop au courant. Moi, je connaissais pas du tout. Hein. J'ai lu tout ça hier soir chez moi tranquillement pour justement bien te recevoir ce matin. Voilà, donc c'est un handicap qui touche presque 700 millions de personnes dans le monde. Donc, 700 millions de personnes diagnostiquées, parce que la plupart des Asperger ne sont pas diagnostiqués. D'accord. Et c'est un handicap qui va toucher entre guillemets les interactions sociales, s'organiser dans le temps, et puis parfois également des problèmes de communication. Mais ça se travaille. Ton club, fier de toi. J'ai vu un article de ton entraîneur. Il est très fier de toi. C'est ton petit protégé, comme il dit. Tu donnes du baume au cœur dans tout le club. Tu donnes la joie de vivre. Ça, c'est la réalité. Bah oui, c'est arrêté. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est que maintenant, c'est moi le senior, c'est moi qui donne les conseils, plutôt des conseils, ouais, aux minimes, aux cadets. Et puis moi, des fois, je me rappelle quand j'étais minime, c'était les anciens grands rameurs du club qui me conseillaient. Et puis maintenant, c'est mon rôle. C'est ton rôle. Ça fait quoi aujourd'hui d'inverser le rôle, d'être le coach un petit peu tu pourrais même être le coach du coach. Non. Le coach, ça reste le coach. Le coach reste le coach. Et toi, justement, en parlant de coach, l'avenir, c'est quoi pour toi? Continuer, bien sûr, parce que tu as 21 ans, t'as beaucoup d'avenir devant toi. Mais un jour, peut-être diriger des jeunes. Franchement, ça serait mon ton rêve. Mon plus beau rêve, ouais, être entraîneur. Ouais. Comment on voit l'avenir aujourd'hui? Alors, quand on a 6 médailles d'or, il y a la suite, toujours les entraînements, aller plus loin, plus fort encore. Tu vises quoi aujourd'hui, Florent? J'aime pas trop parler d'avenir. Ah. Parce que moi, je suis pas trop quelqu'un qui aime me dire, ouais, plus tard, j'aimerais bien faire ça. Mm-hmm. Parce que tu vis un peu au jour le jour, alors. C'est ça. Ouais. Parce que, par exemple, je me dis, aujourd'hui, c'est l'entraînement, je fais mon entraînement et puis après, on voit. On voit. L'entraînement, il reprend quand, là? Peut-être des vacances, non, avant? Ah non, j'ai déjà repris. Voilà, quand je suis revenu du 10 juin, j'ai eu 2 jours de récup. Et puis après, je suis reparti. D'accord. Où se trouve le club? On peut en parler du club? Bien sûr. Ouais. On a 2 bases, enfin même 3 bases maintenant. On a une base qui est à côté du parc floral, au centre Marcel Baratta. Oui, je connais, ouais. Et on a une autre base au niveau du gymnase du Beauvoir à Olivet. Et cette base-là, elle est là quand on a trop d'herbe aquatique ou quand on n'a pas d'eau. Ouais, souvent il y a des mauvaises herbes là dans le Loiret. Ouais. Malheureusement, on peut pas trop pagailler, hein, c'est ça? Bah, c'est ça. Et puis, si jamais on a vraiment beaucoup d'algues, on a une troisième base qui est à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Mmh. Mais c'est un peu embêtant d'y aller parce qu'il faut démonter le bateau, mettre les bateaux sur la remorque, ouais. Aller ramer, ensuite revenir. Mais c'est comme ça. Alors, pour rafler ces 6 médailles, Florent, bah, bien sûr, c'est du boulot, c'est de l'entraînement. Combien d'heures d'entraînement, c'est quoi? C'est à la semaine? C'est au jour? Ça se passe comment? Voilà, bah, en fait, je m'entraîne à la semaine. Ouais. Je m'entraîne entre 9 et 11 fois par semaine. Ah oui, quand même. Voilà, chaque entraînement, c'est 3 heures. Mmh. Voilà. Donc c'est quand même très intensif. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est ma passion. Donc en fait, on n'a pas l'impression de perdre son temps. On a l'impression juste de vivre sa vie et de se faire plaisir. Tu vises quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait vraiment le à part le head coach? Ça, tu me l'as déjà dit. Mais au très très haut niveau, peut-être un jour. Ah bah j'espère. Ouais. J'espère. Mais comme je t'ai dit, je suis pas quelqu'un qui voit après. C'est je progresse et puis après on voit. Et puis si ça stagne, bah on va encore essayer d'aller le plus loin possible. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure avec maman, je voulais faire des remerciements aussi à beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens t'ont aidé. Oui. Dans ta carrière qui démarre, parce que 21 ans, 6 médailles d'or, c'est franchement, je suis fier d'avoir un champion face à moi. Ah, merci. T'as des remerciements, tu pourras faire, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Bah, déjà, je tiens à remercier Gilles et Julien, qui ont été mes premiers coachs. Mmh. Parce que c'est Gilles Carbonnier, qui était tout premier coach du club, qui m'a entre guillemets fait mon première initiation. Après, c'était Julien. Julien qui m'a supporté pendant plus de 6 ans à me faire progresser. C'est même lui. Et pourquoi tu dis supporter? T'es pas facile à vivre. Non, je dis ça parce que je dis ça en rigolant. Que voilà. Et c'est lui qui m'a amené à mon premier titre de champion de France. Ouais. Donc je lui dois beaucoup. Et puis aujourd'hui c'est Johan qui s'occupe de moi depuis 3 ans. Et puis c'est lui qui m'a amené dans le très haut niveau. Donc je lui dois beaucoup. Ouais. Merci à tous ces gens là alors, voilà. Qui t'accompagnent au quotidien de ta vie. Voilà. Et je dois remercier également mon coach d'équipe de France, Germain Pontois, parce que lui, il m'a suivi pendant des kilomètres sur le bord du bassin à vélo et voilà. Ça a dû exploser de joie dans les coachs quand t'as raflé les médailles, c'était normal. Ah bah oui, explosion quoi. Surtout à la deuxième course en bateau solo, il y a eu en une seconde, il y a eu 4 bateaux en une seconde. Donc en gros, il y a eu la photo finish. On savait pas qui était premier, on savait pas qui était deuxième. Et là, on attend le tirage et on dit c'est Florent. C'est ça. Avec la Marseillaise. Ah bah oui. Ah, et là, t'as les larmes forcément. Ah bah c'est ce qui s'est passé, comme ouais. Sur le journal. Là, j'ai les larmes. J'ai vu. Tu nous as ramené la rep. On les salue au passage. Qu'on fait un bel article la rep. Et avec tes potes, alors quand tu ramènes les 6 médailles là, ça se passe comment avec tes amis? Ils sont fous de joie, je suppose. Ah bah ils sont fous de joie. Ouais. Bah, ils sont fous de joie. On a fêté ça avec dignité, je suppose, quand même, non? Ah quand même. Ouais. Quand même. Mais quand même avec alcool avec modération. Oui, bien sûr. Bah oui, ça c'est super important. Hein. Ouais. En tout cas, on est fiers de recevoir ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Si, d'ailleurs, ça s'est passé du 4 au 10 juin dernier, c'était à Vichy. Florent Cogugno, 6 médailles d'or, 21 ans, si je me trompe pas. Oui. Quel artiste, quel athlète, l'athlète en or, la personne en or est là ce matin à la radio. On est vraiment fiers. Maman, elle est fière aussi, maman. Elle n'ose pas trop parler, maman. Et je voulais juste te dire, Francky, et ça me revient. Tu peux, hein. Voilà. C'est les Bretagnes, nous, hein. Parce que je voulais également remercier la mairie d'Orléans qui me soutient aussi bien moralement que financièrement. Ah, bah oui, il faut un peu d'argent aussi. Hein. Voilà. Ouais. Burger King et qui avec Benoît Noncin. Je salue Benoît, mon ami. Voilà. Ouais. Et puis, salut à la ville, ça va être monsieur Renaud. C'est ça, ouais. Monsieur Thomas Renaud. Thomas Renaud. L'ancien gardien de but de l'USO, que j'ai eu au passage, ouais, qui est venu à la radio régulièrement aussi. Financièrement, alors, ça se passe comment justement pour tout financer? Le club, la ville d'Orléans, t'as des partenaires, c'est ça? J'ai Burger King en partenaire, j'ai la mairie d'Orléans et j'ai en tant que Asperger, j'ai 1 900 € tous les mois de l'allocation handicapée. Ouais, voilà. D'accord. Et j'ai fait les calculs pour un sportif de haut niveau, je suis pas loin de ce qu'un footballeur pourrait gagner. Quoi. Ah oui, là, t'es large, hein. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, que c'est un peu le sport un peu oublié, entre guillemets C'est pas... Non, je dis pas que c'est pas oublié, je dis pas que c'est oublié, mais par rapport au foot, au basket, etc., moins mis en avant, peut-être. C'est pas que c'est moins mis en avant, enfin, si, c'est moins mis en avant, mais ce qui est embêtant, c'est que on est comme tous les sportifs, quoi. Que ce soit comme le foot, comme le basket, etc. C'est pas le même tarif. Déjà, c'est pas le même tarif, mais ce qu'il y a par là, c'est que on s'entraîne tout aussi fort, on s'arrache tout aussi dur toute l'année, et puis des fois, on voit des sportifs en aviron. Par exemple, on a les champions olympiques qui s'entraînent ultra dur, qui s'entraînent 14 fois par semaine, qui s'arrachent la tête toute l'année, tout ça pour gagner 4000 euros par mois. Ouais, c'est pas énorme. Non. Ouais, c'est pas énorme. Moi, je verrais bien une rivière à comète, qu'on monte une rivière, tu vois, et qu'on fasse un petit truc là sympa, non? On peut lancer l'idée au maire d'Orléans, à Serge Groire. Hein. Non, je pense pas qu'ils soient d'accord de mettre la pelleteuse, mais... On va demander à Monsieur Wagner de nous pistonner un peu. Hein. Oui. Il va s'occuper de ça, Alex. Alex, je lui lance un défi, là. Une rivière à comète. Et là, tu pourrais nous montrer un peu tes exploits, cher ami. Ah bah, ça serait avec plaisir. Maman, elle est très émue, maman. Oui, maman, oui, toujours. Toujours émue, hein. Elle va pas pleurer ce matin, non, c'est bon. Ça devrait aller. Voilà. Ça va aller. À l'équipe de France, elle a son petit surnom. On dit que c'est le 8e nain. On l'appelle pleureur. Parce qu'elle pleure tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est le 8e nain, c'est pleureur. Dès que le gars là, à la radio ou alors le commentateur dit ton prénom, elle pleure. Non, pas. Non. Ça va. C'est quand les résultats arrivent, c'est ça. C'est ça. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce matin à la radio. Merci, Francky. Je vais laisser le mot de la fin à Florent, mais avant, maman, merci d'être venu avec Florent ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous, on est là pour ça. On est un média local, mais voilà, on est là pour relater un peu ce qui se passe sur la ville. Et puis là, c'est un champion qui est là quand même. Et je lance un message à toutes les radios, là, justement, parce qu'on nous écoute aussi, hein, d'inviter Florent. Il faut en parler, là. Il faut le mettre en avant, le gamin de 21 ans, quand même. On va faire une belle photo. Merci. Merci beaucoup, merci, maman. Merci, Francky. Je vais te laisser le mot de la fin avant, Florent. Le dernier mot de la fin, si tu veux, avant de se quitter. Bah, pour moi, le dernier mot, ça serait dire un petit mot à toutes les personnes handicapées qui nous écoutent. Mmh. Voilà, handicapées mentales ou handicapées physiques, que si jamais ils veulent faire du sport, qu'ils y aillent, quoi. C'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils peuvent rien faire. Ouais. Enfin, je pense que je suis un exemple sur ça. Parce que pour moi, on est handicapés, mais je pense qu'on peut faire de grandes choses. Voilà. Et de belles choses comme tu fais, Florent. En tout cas, c'est un beau message que tu viens de dire ce matin et on te félicite. Et puis, merci. Bravo, Florent. Merci, Francky. À bientôt. Alors, on va se faire la photo, le final. Florent, en direct ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Stay for your man. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Franchement, merci Florent d'avoir accepté notre invitation ce matin. 6 médailles d'or. Franchement, bravo à toi, jeune homme de 21 ans. C'était énorme, ça s'est passé le 4 et 10 juin dernier à Vichy. 6 médailles d'or, il était notre invité en exclusivité ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Johnny Carême en tout Fido. Belle journée et bon réveil sur la Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Merci d'être là avec des orages aujourd'hui, mais le soleil est au rendez-vous ce matin en douceur avec Oi to Fado. Sou neto mais feliz por ter o teu amor. Sinto por ti, nada podia ser melhor. Hoje quero te dizer que és tudo para mim. Serás até morrer o avô que eu sempre quis. É o teu fado canto para ti, é do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não vivi. É o teu fado que escrevi para ti, e é neste fado que eu quero que tu

pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. L'association portugaise de Saint-Benoît-sur-Loire organise le 8 et 9 juillet leur grande fête du porc. Vous y trouverez différentes animations autour d'un grand barbecue tout le week-end. Le samedi 8, à partir de 19h, place au tambour de Flori, Amigos de Portugal. Et à partir de 21h,